De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Bonjour et bienvenue sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, c'est votre programme qui vous fait voyager au sein des émotions. Et c'est le rendez-vous que nous propose chaque semaine Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Mais très très bien. Enfin, quoique peut-être pas très bien, parce qu'aujourd'hui on va parler du vocabulaire de la tristesse. Alors, faut peut-être que je me mette dans un autre mood. Tu n'es pas obligé de la ressentir en vrai. Ah, ouf, tu me rassures. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ouais, on essaye de trouver ensemble un maximum de mots pour dire comment on sent quand on est triste. Quel mot, toi, tu peux dire quand, à part « je suis triste » ? Oui, alors il y a triste, bien sûr. Il y a chagriné. Ouais. Hein, déprimé, alors là, c'est peut-être un peu plus fort encore. Ouais. Abattu, désemparé, pourquoi ouais. pas. Déçu. Oui. Ou démuni. Oui, tout à fait. C'est chouette, on a trouvé au moins 6 mots différents pour parler de notre tristesse. Si on s'amusait un petit peu à les classer, lesquels, d'après toi, sont dans la zone tristesse pas trop forte ? Pas trop forte, je dirais triste. Ouais, triste, il est un peu démuni, neutre. Démuni peut-être. En... Ah, c'est intéressant de voir comment ça te fait, parce que pour moi, démuni, c'est vraiment dans une zone plutôt orange-rouge, tu c'est vois. Ouais, c'est plutôt du 8 sur 10 pour moi, par exemple. Ah, tu mettrais quoi alors en pas fort? Moi, je mettrais plutôt déçu, mais c'est vrai que j'ai déjà vu dans des ateliers des gens pour qui, quand ils utilisent ce mot, c'est très fort. Et effectivement, moi, j'aurais dit plutôt que c'était fort. Ouais. Et toi, dans les très forts, tu mettrais quoi comme autre mot? Abattu. Ouais. Là, vraiment, ça, on est d'accord. Tout en bas, déprimé, oui, là, ça commence à être fort. Hein. Ouais. Et donc, du coup, dans les pas forts, moi, j'aurais mis déçu, mais toi, t'aurais plutôt mis quoi? Désemparé. Ouais, moi, j'aurais mis chagriné, tu vois. D'accord. Donc, c'est intéressant de voir... Quand on fait ce travail en groupe dans mes ateliers, les différences de perception des mots et comment c'est intéressant de clarifier, on l'a déjà dit. En fait, qu'est-ce que ça veut dire pour nous sur une échelle de 0 à 10, par exemple, ces mots-là? Parce que bah, si toi, tu me dis que t'es déçu, moi, je vais percevoir, bah, il est un peu dans la tristesse, alors qu'en vrai, toi, pour toi, tu y es assez fort. Quoi. Exactement. Mais à quoi ça va servir de savoir ça? Déjà, tu vois, ça sert à clarifier les choses. Oui, déjà. Oui. Ça sert à remplacer des messages risqués dont on a déjà parlé. Mm-hmm. Donc, on va vérifier auprès de quelqu'un, tiens, est-ce que t'es déçu? Est-ce que t'es chagriné? Est-ce que t'es abattu? Plutôt que dire, c'est pas la peine d'être triste, ça sert à rien, ça va passer. Des paroles qui, elles, vont être plutôt contre-productives, même si notre intention est bonne au départ. Ça nous va aussi améliorer notre écoute vers l'autre. Quand on fait ça, on est dans l'empathie, donc on va lui proposer aussi de quoi il a besoin. Parce que quand on est dans la tristesse, on peut avoir besoin de soutien, de réconfort, de temps pour soi, d'espace. Et puis ça travaille notre auto-empathie quand on fait nos petites météos intérieures. Savoir mettre des mots, savoir dire, écrire ce qu'on ressent, ça va aider aussi à s'autoriser à pleurer. Moi, ça m'est arrivé déjà de discuter avec une amie. Et j'avais l'impression qu'elle était très en colère de la situation. Je dis, mais t'es en colère? Et tout à coup, elle m'a dit, non, en fait, je suis triste. Et là, elle a réussi à sortir ses larmes et ça a permis d'extérioriser et de soulager. Et donc, cette extériorisation par les mots, elle nous apaise et elle nous fait vraiment produire des hormones du bien-être telles que la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine ou l'endorphine selon la situation. Et ça va être très bon pour la santé, pour les défenses immunitaires, pour faire remonter notre motivation et notre créativité. Même si ça peut paraître bizarre, on va parler de choses négatives, mais en les sortant, en les déposant, ça va aussi renforcer notre empathie donc chez nous, vers l'autre, et donc notre sociabilité, d'après les articles que j'ai lus de Catherine Guéguen. Eh bien, exprimer ses émotions, ça fait du bien. Oui, et si on a du mal à trouver les mots là, pour la tristesse, comme toi, tu as eu des facilités ce matin à proposer des mots, eh bien, ça peut peut-être être parce qu'il y a une partie de nous qui la repousse, et ça voudrait dire que c'est chez nous une émotion interdite. On va en reparler de ces émotions interdites. C'est ça, interdites, prochaine fois, je vous parle des émotions interdites et obligatoires. Merci Noémie. Merci Yves. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.